Mesdames et messieurs, je vais vous parler de l'image de l'Espagne dans le livre sur les médailles sur les principaux événements du règne entier de Louis le Grand. Louis XIV a instrumentalisé l'image de l'Espagne pour sa glorification et pour promouvoir la réception comme roi guerrier, roi dominateur et roi pacificateur. C'est la raison pour laquelle j'ai fait trois parties. L'Espagne est dans l'œuvre le pays le plus nommé, car un tiers de médailles traite un sujet concernant le pays voisin. La représentation est diverse pour chaque rôle et chaque période du règne. C'est la raison pour laquelle l'analyse comprend l'édition de 1723, c'est-à-dire la version revisée et amplifiée de 32 médailles, une œuvre commandée par Louis XV pour couvrir le règne entier de son arrière-grand-père. La longue période du règne de Louis XIV, entre 1643 et 1715, se caractérise par l'agression et l'expansion. Les confrontations belliqueuses n'étaient pas seulement légitimes, mais aussi une preuve de vertu. La guerre a servi à des raisons expansionnistes et pour montrer la force et la présence du roi. La France et l'Espagne étaient, à l'exception de quelques petites pauses, presque toujours en guerre pendant le XVIIe siècle. On constate en ce qui concerne la répartition des médailles sur l'Espagne une augmentation pendant les périodes de guerre. Hop là. Voilà. Ici. Et encore des vagues. Ce qui prouve la fonction propagandiste de l'œuvre. Jusqu'à 4 médailles par an ont été frappées sur un sujet par rapport à l'Espagne. La seule exception constitue l'année 1697, qui passe au-delà de ce nombre avec 6 médailles. 200 médailles concernant l'Espagne, 77 traitent le sujet de la guerre, c'est-à-dire que l'Espagne était avant tout d'intérêt militaire. L'extension territoriale de l'Espagne posait des problèmes quant à la défense du royaume. Contre la France, on luttait surtout au long de la frontière nord-est, mais les nombreuses médailles mentionnant la Catalogne prouvent aussi de quelle manière la frontière des Pyrénées était disputée. En plus, il y avait des luttes pour l'hégémonie en Italie. L'analyse des lieux révèle qu'une seule médaille est consacrée au territoire outre-mer espagnol. Il s'agit de la conquête de Carthagène dans le golfe du Mexique. Les autres médailles se concentrent sur l'Europe, les Pays-Bas espagnols étant le lieu le plus fréquent, mentionné 37 fois, avant la péninsule ibérique avec 21 médailles et 9 médailles sur des batailles sur le territoire espagnol en Italie. Cette répartition montre que les batailles aux frontières communes entre les deux pays possédaient une valeur propagandiste plus élevée que les batailles pour les possessions éloignées. Quant à la représentation iconographique, il y a eu un changement s'éloignant de la représentation par une allégorie antique vers d'autres formes de représentation. Au début du règne, on trouve sur les médailles la ville représentée comme femme. Au cours du temps, cette façon a été remplacée par la représentation des armoiries de la ville correspondante, de fleuves, montagnes, la mer ou d'autres particularités géographiques. Ici, on va voir par exemple la ville de Roses avec la mer, parce qu'elle est située au bord de la mer. Pendant le règne de Louis XIV, il y avait beaucoup de guerres où les belligérants différaient. L'image de l'Espagne créée dans les médailles est différente pour chaque guerre. On peut observer deux tendances. Premièrement, au début du règne, l'Espagne était considérée plus forte qu'à la fin du règne. Et deuxièmement, elle est représentée plus forte quand elle luttait avec plusieurs alliés. Le premier conflit entre la France et l'Espagne se déroulait pendant la guerre de 30 ans, entre 1618 et 1648. La guerre entre les deux pays a commencé en 1635 par une intervention militaire française et a duré jusqu'à 1659. Les médailles nous racontent la déchéance lente de la puissance importante du XVIe siècle. Dans l'explication de la médaille numéro 7, on peut lire « Les Espagnols se croyaient maîtres de la Méditerranée. » Compte tenu du fait que les Français ont gagné la bataille, cette supposition se révèle erronée. Néanmoins, le texte parle de l'armée espagnole en termes élogieux. Jusqu'à la bataille de Rocroi, l'infanterie espagnole était considérée comme invincible. La résistance forte et les bonnes fortifications, le courage et la volonté de poursuivre les batailles malgré des revers sont dignes d'éloges pour la petite académie. Il est évident que l'Espagne était à ce moment un adversaire difficile pour la France. Dans la guerre de dévolution de 1667-68, la France a revendiqué 14 provinces espagnoles aux Pays-Bas espagnols, au Luxembourg et en Franche-Comté, sous le prétexte de la législation brabançonne. Dans les médailles, l'image de l'Espagne est bien différente en comparaison avec la guerre précédente. Selon l'explication, les Espagnols ne respectaient pas le droit qui accordait les provinces revendiquées à la France. C'est pour cette raison que Louis XIV a été obligé de déclarer la guerre. L'agressivité et l'hostilité des Espagnols sont des motifs fortement exploités pendant cette guerre. Cette stratégie de représentation est accompagnée par le motif de la surprise. Selon l'explication historique, les Espagnols se montraient étonnés face à la force française. L'explicité textuelle est soulignée par l'iconographie. La médaille numéro 102 de l'année 1667 saute aux yeux parce qu'elle montre un cavalier fuyant. Les cas où on fuge les ennemis d'une manière si radicale sont rares dans tout le livre. La guerre de Hollande s'est déroulée de 1672 à 1678. Elle a opposé la France et ses alliés à la quadruple alliance comprenant entre autres l'Espagne. Il ne s'agit donc pas d'un conflit purement franco-espagnol. Tout de même, l'Espagne est mentionnée plusieurs fois comme ennemie. On trouve dans les explications des reconnaissances, même si cela n'est plus aussi fort qu'au début du règne. Le texte insiste cependant plus intensivement sur l'infériorité de l'ennemi. Encore plus systématiquement qu'avant, on trouve pendant cette guerre le motif de l'étonnement. La guerre des Réunions de 1683 et 84 est un court conflit entre la France d'une part et l'Espagne et ses alliés d'autre part. Dans les médailles, l'Espagne apparaît agressive et méfiante, alors que Louis XIV est représenté comme monarque qui préfère garder la paix. Selon l'explication, les Espagnols comprennent un seul stationnement de troupes comme invasion, ce qui les incite d'attaquer la France. L'agressivité et l'hostilité de la part de l'Espagne servent pour promouvoir l'image de l'ennemi. De plus, on raconte que les Espagnols n'avaient plus de troupes et plus d'argent et que toutes les forteresses étaient en mauvais état. Cela est sans doute le moment où l'Espagne est représentée de la manière la plus négative dans toute l'œuvre analysée. La représentation se caractérise par une opposition entre une France paisible et l'Espagne agressive, ce qui crée un contraste entre bon et mauvais, soutenant la propagande en faveur de Louis XIV. Lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la France et l'Espagne se sont trouvées encore une fois en guerre. La déclaration de guerre contre la France a répondu aux attentes, car on craignait, selon les médailles, que l'Espagne aille se déclarer contre la France. En général, les aspects positifs diminuent au cours du temps. L'humiliation des ennemis reste un motif permanent dans l'œuvre, cependant l'intensité et la radicalité sont réduites. On peut l'interpréter comme changement du rôle dans l'autopromotion du roi guerrier vers un roi pacificateur. Au lieu d'une provocation directe, on a utilisé des moyens plus subtils comme l'attribution d'émotions, par exemple la tristesse ou l'étonnement. L'iconographie correspond à la représentation textuelle. Les Espagnols sont foulés, se trouvent par terre dans une position soumise ou sont morts. Néanmoins, les cadavres dans l'iconographie sont à partir des années 70 remplacés par d'autres motifs comme les armes. Même si au début on parle de carnage, du nombre de prisonniers et qu'on a choisi taillé les ennemis en pièces, plus tard on a utilisé un ton beaucoup plus neutre. Les relations entre les deux pays se détendaient après l'avènement de Philippe d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV sur le trône espagnol en 1700. Dès ce moment, la France et l'Espagne ne luttaient plus l'un contre l'autre, mais ensemble dans la guerre de succession espagnole. De toutes les médailles qui thématisent cette guerre, 9 mentionnent l'Espagne. La petite académie a décidé de louer Louis XIV de manière indirecte. C'est-à-dire que Philippe V a été l'objet d'éloges. L'inscription Virtus Avita sur la première médaille indique les vertus héréditaires que l'on a transférées directement au nouveau roi espagnol. On parle aussi du fait que l'armée française et l'armée espagnole luttaient ensemble. C'est pour cette constatation qu'on essayait de créer un sentiment égal et communautaire entre les deux pays. Mais même pendant la guerre de succession, on peut observer une rupture dans les relations franco-espagnoles. Entre 1704 et 1706, l'Espagne n'est pas mentionnée comme participant dans la guerre. En 1707, la France était même disposée de renoncer à l'Espagne. La faiblesse française se reflète dans les médailles. Cela devient visible car le dieu romain de la guerre, Mars, est représenté davantage et la symbolique de l'iconographie est plus agressive. On peut en déduire que les médailles remplissaient une fonction compensatoire. Plus difficile la situation se montrait pour la France, plus la stratégie iconographique de la propagande était radicale. Lors de la bataille de Villaviciosa en 1710, cette relation tendue a changé encore une fois. La période où la France et l'Espagne étaient alliées contre d'autres puissances européennes est beaucoup plus courte que la période hostile qu'elles ont vécue avant. L'image donnée pour le temps comme alliée est aussi diverse que l'image comme ennemie. Même pour la période de coopération, on voit que les relations entre Madrid et Paris n'étaient pas toujours stables. Le fait de ne pas attribuer une médaille à l'Espagne ou le fait que la France tenait le rôle de sauveur pendant cette guerre montre un déséquilibre de pouvoir. Ici, on voit l'Espagne qui se lève après la victoire à Villaviciosa. À part du rôle du roi guerrier, Louis XIV incarne aussi celui du roi dominateur. Sa régence se caractérise par une forte ambition expansionniste pour devenir une puissance hégémonique en Europe. Surtout l'Espagne qui avait achevé au XVIe siècle l'apogée de sa grandeur constituait un exemple et en même temps un rival pour la France. On visait à remplacer l'Espagne sur la position d'une puissance hégémonique européenne profitant des crises qui secouaient l'Espagne. Pour les Bourbons, les Habsbourg étaient une véritable concurrence. Dans cette ambiance de rivalité, il était important de souligner la domination de la France sur l'Espagne à chaque occasion. Lors des premières médailles, la petite académie signale que l'équilibre entre les deux puissances commençait à changer. Tout de même, les rapports de force semblent n'être pas encore basculés. Mais au cours du temps, la domination française a augmenté. Les événements des années 1659 et 1660 ont provoqué l'inversion de puissance et l'hégémonie française. L'Espagne apparaît dans les médailles comme adversaire qui est obligé de négocier. Par ailleurs, on souligne l'état déplorable du militaire espagnol et des forteresses et aussi la situation financière difficile. Le texte décrit en revanche un roi français fort qui était capable de conquérir les parties catholiques des Pays-Bas. L'étonnement des Espagnols, dont nous avons déjà parlé, et les erreurs d'estimation militaire donnent l'impression d'une France prédominante. On parle de la constante supériorité des armes du roi. Il est évident que la mise en scène du roi dominateur cherchait à représenter l'Espagne indépendamment du statut comme ennemi ou allié, de façon inférieure et dépendante des décisions françaises. Louis XIV n'a pas seulement essayé d'imposer sa supériorité hiérarchique par les guerres, mais aussi par les actes diplomatiques qui étaient considérés comme un moyen efficace et légitime pour attirer l'attention sur l'hégémonie française. Lors de la négociation pour la paix des Pyrénées en 1660, on atteste au roi espagnol Philippe IV des qualités de gouvernance. À ce moment, le roi espagnol est appelé pour la première fois par son nom. Avant, on trouve des formules plus générales. Il est décrit comme prince grave et consommé dans l'art de gouverner. Cela se produit cependant pas sans souligner les qualités de Louis XIV, qui est encore jeune, mais déjà célèbre à cause de ses vertus et ses conquêtes. L'iconographie montre les deux monarques qui se tendent la main. À première vue, la représentation évoque l'impression d'une égalité. Pourtant, la médaille est une imitation d'une médaille antique sur laquelle les empereurs Marc Aurèle et Lucius Verus sont représentés. Louis XIV prend la place de Marc Aurèle à gauche, tandis que Philippe IV prend la place à droite de Lucius Verus. Cet arrangement n'est pas choisi par hasard, car Marc Aurèle avait plus d'influence que son co-empereur à l'époque. Cette représentation insiste ainsi de manière subtile sur la hiérarchie entre les deux rois. Il existe deux autres médailles qui traitent des conflits diplomatiques entre la France et l'Espagne. Elles mettent en évidence à quel point la position de pouvoir était disputée. La médaille numéro 69 et de l'année 1662 traite le sujet du droit de préséance. Lors d'une visite de l'ambassadeur suédois, Per Brahe, à Londres, tant l'ambassadeur espagnol que le français ont réclamé que leur carrosse aille en tête du cortège. Suite à une bataille de rue, les Espagnols se sont placés devant les Français. Louis XIV a réagi à cet affront par la rupture des relations diplomatiques. La provocation délibérée du conflit et la revendication d'une position qui appartenait avant aux Espagnols prouvent que Louis XIV n'avait plus l'intention de céder la préséance. Il a réussi de s'imposer et de souligner l'ambition d'être le roi le plus puissant en Europe. La médaille représente l'envoyé spécial espagnol d'un air soumis qui a présenté ses excuses. L'explication insiste sur le fait qu'il s'agissait d'un attentat et que le droit de préséance appartenait aux Français. La déclaration de ne plus entrer en concurrence avec le roi de France est une satisfaction pour la diplomatie française. L'utilisation propagandiste de cet événement dans les médailles illustre la rivalité entre les deux pays sur le plan diplomatique aspirant à l'hégémonie européenne. La supériorité de la France fait l'objet d'une autre médaille, la médaille numéro 206 de l'année 1684. Elle traite la dispense de paiement en suspens dans les provinces conquises par la France aux Pays-Bas espagnols suite à la guerre des Réunions. Ni le traité de paix, ni dans l'historiographie, la dispense de paiement est mentionnée. Pourtant, Louis XIV a consacré une médaille à cet événement exprimant la supériorité financière. Nous avons vu comment l'élection des événements a contribué à incarner le rôle du roi dominateur. Dans ce qui suit, je vais expliquer quelques stratégies textuelles et iconographiques utilisées dans le livre pour influencer l'image de l'Espagne car le choix des mots sert également d'instrument pour clarifier la position française. Il saute aux yeux que la petite académie a évité d'utiliser le terme Pays-Bas espagnol qui apparaît que deux fois. Au lieu de cela, on utilise plutôt les terres de l'Espagne ou Pays-Bas catholiques. Il semble qu'on considérait les Pays-Bas espagnols ne faisant pas intégralement partie de l'Espagne. Pour éviter des concessions, on préférait nommer directement la ville ou la région sans faire référence à l'Espagne. Cela peut, d'un côté, être dû à la fragmentation des territoires de la couronne espagnole, de sorte qu'on devrait parler des Espagnes en pluriel. De l'autre côté, on refuse de manière délibérée la reconnaissance comme Royaume-Uni. Il en ressulte que l'Espagne est appelée Hispania dans l'inscription ou l'Espagne dans les explications historiques, surtout quand Philippe V est déjà roi d'Espagne. Mis à part les combinaisons fixes comme le roi d'Espagne, le pays voisin est désigné sous le nom que 9 fois. C'est le cas quand cette désignation répond à une fonction précise. Quand l'Espagne est un partenaire dans les négociations, quand on voulait mentionner l'entité des territoires espagnols, ceux hors de la péninsule ibérique inclus, ou lors d'une déclaration de guerre, c'est-à-dire seulement quand il y avait un intérêt concret de la part de la France. Si cela n'était pas le cas, on préférait dire les Espagnols. L'iconographie reflète sur certains points les constatations de l'analyse linguistique. L'Espagne comme entité incarnée par une femme est représentée 11 fois, dont 6 médailles ont été frappées pour la régence des Bourbons en Espagne. Avant, l'Espagne est seulement très sporadiquement représentée par une allégorie antique. Dès l'avènement de Philippe d'Anjou en 1700 sur le trône, le statut de l'Espagne change. La représentation comme entité signifie une revaloration résultant des liens renforcés entre les deux pays. À la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, la couronne française propager davantage une politique de paix. L'analyse prouve un lent affaiblissement de guerre, de sanctions, dont la victoire justifiait la guerre. De ce fait, la guerre se convertit en dernier recours pour gérer des différends. La mise en scène de Louis XIV dans les médailles comme roi guerrier et roi dominateur n'exclut pas la représentation comme roi pacificateur. Sur 11 médailles concernant les conférences de paix, on mentionne l'Espagne. 3 médailles traitent le sujet de la paix des Pyrénées en 1659. La médaille 54 est consacrée à la conférence entre les ministres Mazarin et De Haro, selon le registre de la Petite Académie du 18 décembre 1690. Les responsables ont décidé d'ajouter ultérieurement une médaille. Cette décision a été prise parce que la période suivante à ce traité s'est révélée la période la plus longue de paix entre les deux pays. Lors d'une rencontre, on parle de, je cite, « témoignage d'amitié et de confiance que se donnèrent les deux monarques ». Tant pour la paix d'Aix-en-Chapelle en 1668 que pour la trêve de Ratisbonne, la petite académie a exploité le motif de l'infériorité espagnole. Le texte explique que les efforts espagnols pendant la guerre ont échoué et qu'ils étaient obligés de négocier. Louis XIV est entré en négociation bien que la suite de la guerre lui ait convenu. Pour les traités de Nimègue et de Ryswick, l'Espagne est mentionnée seulement comme signataire. Il en résulte qu'on ne peut pas parler d'image claire pour les traités signés entre plusieurs alliés. Plus précise se révèle la représentation pour les traités entre la France et l'Espagne seule. L'Espagne figure toujours comme négociateur inférieur auquel on n'attribue aucune qualité positive, sauf les qualités personnelles du roi Philippe IV. C'est Louis XIV qui décide sur la paix ou la guerre. Il se met en scène comme roi dominateur, mais en même temps visant la paix comme pacificateur de toute l'Europe. La volonté de pacifier le continent a augmenté pendant le règne de Louis XIV. Par conséquent, l'image du roi guerrier est devenue plus faible dans la propagande, laissant davantage place à l'image du roi pacificateur. Plusieurs médailles racontent que Louis XIV était le seul de donner la paix. La fréquence de remarques dans les textes historiques met en évidence à quel point il était important de souligner la volonté de pacifier le continent pour créer l'image d'un monarque paisible. Depuis les années 1660, la Petite Académie a attiré l'attention sur les qualités du roi qui correspondaient à celles d'un roi idéal. Des propriétés comme l'assiduité, l'accessibilité, la libéralité et la justice ont été davantage propagées. Les textes informent sur les amnisties pour les villes qui se soumettaient seules et sur la complaisance du roi. Insistant sur la, je cite, prudence, la générosité, la modération et la tendresse paternelle, les Espagnols se convergent en profiteurs de la bonté du roi Soleil. Tant Louis XIV devait briller par ses qualités dans le livre, tant on a eu besoin d'un antagoniste pour créer un contraste. L'Espagne tente à être représentée comme perturbateur. Des commentaires divulguent la méfiance et l'inquiétude que le voisin puisse profiter de la situation difficile pendant la Fronde. En plus, ce sont toujours les ennemis qui sont rendus responsables pour les conflits. Les médailles jouent avec le contraste des bonnes qualités de la France et les qualités négatives de la part de l'Espagne. L'accent majeur est placé sur les efforts de paix pour l'Europe. L'hostilité espagnole et la responsabilité de guerre servent pour accentuer les propriétés du monarque absolutiste et pour convertir les Espagnols en profiteurs des actes du roi Soleil. Les couronnes de la France et de l'Espagne vivaient un approchement continu pendant le règne de Louis XIV, qui a atteint son apogée lors de l'avènement du Philippe d'Anjou sur le trône espagnol. À l'époque, le mariage était considéré comme un instrument pour garantir la paix et la stabilité. Louis XIV a utilisé ce moyen en tant que roi pacificateur, d'un côté pour assurer la paix, de l'autre pour rapprocher les deux dynasties afin de pouvoir revendiquer le trône espagnol après la mort de Charles II. En ce qui concerne les mariages franco-espagnols, il s'agit de contrats lors de la paix des Pyrénées et de la paix de Nimègue. Les contrats se prêtaient à mettre en scène une ambiance familiale, l'intimité et l'amitié et la familiarité entre les dynasties. 10 médailles traitent le sujet des liens dynastiques entre la couronne et la succession espagnole. En 1660, Louis XIV s'est marié avec sa cousine Marie-Thérèse, la fille de la première femme Bourbon de Philippe IV. 3 médailles sont consacrées de manière explicite au mariage. En 1679, Charles II d'Espagne s'est marié avec Marie-Louise d'Orléans pour sceller la paix de Nimègue. Tout comme le premier mariage, le contrat de Fontainebleau vise à garantir la tranquillité publique entre la France et l'Espagne. Par les deux mariages, on avait créé des liens forts entre les Bourbons et les Habsbourg d'Espagne. Vu que Charles II est mort sans successeur, tous les regards se sont tournés vers les deux sœurs. Comme Marie-Thérèse était mariée avec Louis XIV, les espoirs français reposaient sur ce lien dynastique. 5 médailles sont consacrées à la succession de Philippe le duc d'Anjou à la couronne d'Espagne. Elles ne laissent aucun doute concernant la légitimité de la succession par les Bourbons. Il saute aux yeux que lors de la succession, on insiste pour la première fois sur la parenté. Jusqu'à ce moment, il n'a pas été nécessaire d'appeler Charles II beau-frère. On souligne aussi les intérêts communs de la population française et espagnole et l'acceptation de Philippe d'Anjou par le peuple espagnol. Après que la France soit imposée dans la guerre de succession, la France et l'Espagne se voyaient obligées de signaler que les deux pays ne seraient pas réunis pour garantir la paix européenne. La médaille numéro 312 traite le sujet de la renonciation mutuelle, même si les deux couronnes appartenaient à la dynastie des Bourbons. Les relations dynastiques entre les Bourbons français et les Habsbourg espagnols permettaient à Louis XIV de se mettre en scène comme roi pacifique. Malgré tous les efforts de créer une ambiance de sécurité et d'une paix durable, cet instrument se révélait fragile. Au moins temporairement, les mariages remplissaient l'objectif déterminé. De toute façon, les relations ont servi pour revendiquer la succession du trône espagnol et remplacer la famille des Habsbourg. L'image de l'Espagne dans les médailles est tellement diverse car la représentation remplit chaque fois une fonction différente. Pour chaque rôle de Louis XIV, on avait besoin d'adapter l'image de l'Espagne pour atteindre l'optimum de la glorification. À part des ruptures dans la représentation, il existe aussi des continuités. De toute forme, l'analyse montre à quel point la représentation d'un pays peut être instrumentalisée dans la propagande. Je vous remercie pour votre attention.